إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم بارك لنا في هذا المجلس، يا رزاق ارزقنا التوفيق، يا فتاح افتح علينا العلم الواسع، يا رحمن يا رحيم لا تتركنا ولو طرفة عين إلى أنفسنا. اللهم je te demande avec tes plus beaux noms, je te demande avec tes plus grandes qualités que tu nous assistes et que tu ne nous laisses pas nos propres âmes, ne serait-ce qu'un clin d'œil, et que tu nous ouvres les portes de ta science, et que tu nous mettes le baraka dans les paroles, et que tu nous facilites dans la compréhension et dans l'explication de ce verset grandiose, Inch'Allah. Donc juste pour rappel, on avait donné la définition de l'iman dans la langue arabe, et on avait dit que l'iman, on avait donné des synonymes dans la langue arabe. Parmi ces synonymes, c'était al-iqrar, qui veut dire un engagement ferme. On avait dit aussi al-thiqatu, qui est le fait d'avoir confiance. On avait aussi donné al-tumaninatu, le fait d'être apaisé. D'accord? On avait dit que tous ces sens-là, ils sont présents dans l'iman, et ces sens-là, quand tu vis l'iman, alors ces sens-là, tu les comprends. Car on ne cessera de répéter, nous, bi'idhnillah, on apprend pour mettre en pratique. Sinon, si on apprend et qu'on ne met pas en pratique, ce sera une preuve contre nous. Donc, on apprend pour mettre en pratique, Inch'Allah. Et tous ces rappels qu'on fait et ces cours, c'est des cours, Inch'Allah, qui ont pour objectif d'être vivants. Ça veut dire qu'on doit les faire vivre dans nos vies. On doit faire vivre l'iman dans nos vies, Inch'Allah. Comment? En méditant, en comprenant, et une fois qu'on a compris et médité, on applique dans nos vies de tous les jours. Et c'est comme ça qu'Inch'Allah, l'Iman, il vit. Et c'est comme ça que l'Iman, il vient. Donc on avait dit que ces sens-là, dans la langue arabe, ils sont présents dans le sens, dans la définition de l'Iman. Sinon, on avait dit que ce sens-là, il doit, dans la langue arabe, regrouper deux choses importantes, qui sont se dire, c'est-à-dire le fait de croire une chose, et on avait dit qu'il fallait accompagner de cela un acte du cœur, comme l'apaisement par exemple. Donc dans les définitions, dans les mots, les synonymes qu'on a donnés auparavant, dans l'iqrar, dans thiqatu et dans tumaninatu, tous ces sens-là, donc que ce soit la confiance, que ce soit l'engagement ferme, ou que ce soit l'apaisement, ces choses-là, elles comprennent les deux choses qui définissent l'iman, c'est-à-dire le fait de croire, mais le fait de rajouter un acte du cœur avec. Puisque comme on avait dit, tu ne peux pas avoir confiance. Si tu as confiance en quelqu'un, c'est ce que tu as cru à sa parole. D'accord? Et on avait expliqué donc que quand il s'agit d'une information, l'iman, il te demande juste de croire. De croire en étant apaisé. Ça, c'est l'iman pour une information. Comme par exemple, Allah il a dit, Ar-Rahman wa ala arshi istawa, Allah s'est élevé comme il convient à sa majesté au-dessus du trône. Ici, Allah il te demande juste de croire. Quand l'iman comprend, en plus d'une information, un acte à faire, alors même dans la langue arabe, on ne pourra pas dire que tu es l'iman, sauf si tu viens et tu réalises l'acte qui t'a été demandé. Voilà, accomplissez convenablement la prière. Ici, que tu dises oui, je crois qu'Allah m'a ordonné de faire la prière et que tu en es convaincu et que tu es même apaisé, ça ne sert à rien si tu ne fais pas la prière. Allah Jul, ici, il attend l'acte de toi. D'accord? Ensuite, comme on avait dit, mais on va le répéter quand on va rentrer dans l'exemple et ce sera beaucoup plus clair, Inch'Allah, on avait dit que les actes étaient, on pouvait classer les actes en deux, des actes qui sont obligatoires pour que tu sois musulman et des actes qui sont une condition pour que ta foi soit complète. Si tu ne les as pas, tu es quand même musulman. Donc on avait dit parmi les actes du cœur, aimer Allah plus que toute chose, par exemple, c'est une condition pour que tu sois musulman. Si tu aimes quelque chose avec Allah ou encore plus qu'Allah, alors là, tu sors de l'islam. Si par contre tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, mais tu aimes Allah plus que toi, plus que toute chose, alors ici tu as réalisé l'islam, mais tu n'as pas réalisé l'iman. Donc ici tu aimes Allah plus que toute chose, tu as réalisé l'islam par cela, mais tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu n'as pas complété ta foi. Donc on avait ça, c'est tout, c'était dans la langue arabe. Ensuite, on avait parlé de la langue, de le sens de l'iman dans le sens shar'i, istilahi, dans le sens de la législation. D'accord? Et on avait dit que l'iman, la définition de l'iman, c'était quatre choses. Qawlun wa amal, yazid wa yanqus. L'iman, c'est quoi? C'est des paroles et des actes. Il monte et descend. D'accord? On avait dit que les paroles, c'est des paroles du cœur qui comprennent toutes tes croyances et principalement les six piliers. Et on avait donné des exemples d'actes du cœur, comme par exemple l'amour, la crainte, l'espoir, le fait de placer sa confiance en Allah seul. Ça, c'était des actes du cœur. Ensuite, on a dit les actes extérieurs, c'est les actes qui sont faits avec les membres, comme par exemple marcher vers les mosquées, faire la prière, par exemple. Quant à la parole de la langue, c'est simplement quand la personne entre dans l'islam et elle prononce le témoignage de foi. Elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ». Ici, en fait, sa langue, la parole de la langue ici montre ce qu'il y a dans le cœur. Donc, dans son cœur, elle a cru en Allah, d'accord, la parole du cœur, donc qui sont les six piliers. Et dans son cœur, elle a aimé Allah plus que toute chose. Et ici, elle le dit avec sa langue. On avait dit que le dire avec sa langue, c'est une condition pour être musulman, pour la personne qui a la capacité. Si la personne n'a pas la capacité, elle est excusée. Mais la personne qui a la capacité, il faut qu'elle le dise. Quant aux actions de la langue, c'est lire le Coran, ordonner le bien, interdire le mal. D'accord? Et on avait rappelé qu'on avait donné une règle importante qui va nous servir, Inch'Allah, dans tous nos cours. C'est quoi? C'est que toute obéissance est de l'hymen. Et on avait défini l'obéissance. On avait dit que l'obéissance est ce qui est conforme avec l'ordre. Donc toute chose qui est conforme avec l'ordre, c'est une obéissance. On avait donné, pour exemple, la femme, quand elle a ses règles, elle a été ordonnée de ne pas prier. Donc ici, le fait qu'elle ne fasse pas la prière, c'est une obéissance. Et si elle fait la prière, c'est un péché. D'accord? Donc ici, il n'est pas précis de dire qu'elle a arrêté la prière. Puisqu'on dit d'une personne qui a arrêté de faire quelque chose, c'est une personne qui a été ordonnée de faire. Or, elle n'a pas été ordonnée de faire la prière quand elle a ses règles, mais elle a été ordonnée de ne pas faire la prière. Donc ici, elle est venue avec une obéissance. D'accord? Donc on a dit l'obéissance, c'est quoi? C'est toute chose qui est conforme avec l'ordre d'Allah ou l'interdiction. Ça, c'est l'obéissance. Ensuite, on avait rappelé que la définition de la foi, donc ici, dans l'istilah, dans le sens de la législation, on avait dit qu'il y avait un consensus, c'est-à-dire que tous les salafs étaient d'accord. On avait rappelé que le consensus, il avait eu lieu à l'époque des compagnons ou à l'époque des tabi'in, d'accord? Et donc, on avait rappelé que le fait qu'une personne va à l'encontre d'un consensus, c'est qu'elle est égarée. D'accord? On avait rappelé la situation d'Abu Hanifa, et on avait dit aussi, donc, on avait aussi dit que quoi? Que les salafs, on avait donné des preuves du Coran et de la Sunna, que l'iman est dans le cœur, que l'iman est dans la langue, que l'iman est par les actes extérieurs. D'accord? Puisque les salafs, quand ils ont rappelé le consensus, eux, en fait, ils ont fait quoi? Que de suivre les textes du Coran et de la Sunna authentique, Et ils ont sorti de ces règles pour nous faciliter à nous les choses. Ils ont sorti de ces règles-là. D'accord? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va rentrer dans l'explication du verset. Donc le livre, il a été appelé Application et éclaircissement de l'arbre de la foi. Il a été appelé ainsi, car le Cheikh As-Sa'di rahimahullah, il a fait allusion au verset, où Allah Azzawajal, donc c'est le verset 24 de la sourate Ibrahim, la sourate 14, où Allah Azzawajal dit, Alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa. Donc le cheikh il a tiré le titre de son livre en référence à ce verset. On avait dit que le livre en lui-même, il était là pour nous expliquer la foi. Et ici, quand on va comprendre et on va rentrer dans l'explication du verset, vous allez voir la profondeur de la science du shir qui a appelé ce livre par rapport à ce verset. Puisqu'en vérité, ce verset, si on le comprend, on médite dessus, non seulement Allah Azzawajal, dans ce verset, il a expliqué d'une manière claire dans laquelle il ne peut plus avoir d'ambiguïté après ce qu'était l'Iman, mais en vérité, il a expliqué bien plus que ça. Il a expliqué à l'aide de cet exemple, ce qu'était la religion tout entière sans rien laisser. Naam. En expliquant la religion tout entière sans rien laisser. D'accord? Donc juste avant d'entrer dans le verset, il est important pour méditer le Coran d'avoir une vue d'ensemble de la sourate. La sourate Ibrahim. D'accord? Donc ici, la sourate Ibrahim, elle a des points communs avec la sourate Al-Baqarah. Dans le sens où, dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azzawajal, il a dit quoi? Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Donc ici, dans la sourate Al-Baqarah, Allah Azzawajal, il a parlé du fait que lui, il faisait sortir les croyants des ténèbres vers la lumière, et il a parlé de ça de manière générale. Tandis que dans la sourate Ibrahim, Allah Azzawajal, il a détaillé tout cela. Peut-être que vous allez vous dire, mais il a détaillé comment? Et, subhanallah, regardez l'importance du tafsir. À chaque fois qu'Allah Azzawajal me permet de comprendre un tafsir, je me rends compte qu'avant de lire le tafsir, je comprenais rien au Coran. Donc peut-être que ça va vous faire ça par rapport à cette sourate. Donc on a dit, il est important d'avoir une vue d'ensemble de la sourate. Donc Allah Azzawajal, dans les premiers versets de la sourate, à savoir les versets 1, 2, 3, 4, il dit quoi? Alif Lam Ra, nous t'avons révélé ce livre pour que tu fasses sortir, avec la permission de ton Seigneur, les hommes des ténèbres vers la lumière. Donc ici, regardez dans le verset 1, Allah Azzawajal, il nous donne l'une des fonctions de ce livre, l'une des fonctions du Coran, qui est quoi? De faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Ils vont sortir eux, par eux-mêmes en lisant le Coran? Non. Sinon, tout le monde sortirait des lumières. Sinon, tout le monde sortirait des ténèbres vers la lumière. Non. Ils ne sortent qu'avec la permission et la puissance d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc ça, c'est l'une des fonctions du Coran, de faire sortir les gens des ténèbres. Ici, les ténèbres, comme il est venu dans le tafsir, c'est les ténèbres en premier de la mécréance, les ténèbres du shirk, de l'association, les ténèbres des péchés, d'accord? Vers la lumière. Et là, vous allez remarquer, bien, vous aurez peut-être remarqué que ici, les ténèbres ont été employées au pluriel, alors que la lumière a été employée au singulier. Et ceci parce qu'il y a plusieurs chemins faux, il y a plusieurs mensonges, alors qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Allah. Ne dit-on pas dans le Fatiha, Ihdina as-sirat mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Regardez, sirat mustaqim, dans le Fatiha, il a été défini par alif lam as-sirat. Et après, il a été défini comme étant droit. Donc, le chemin droit. Donc, le chemin, il a été défini par le. Et ensuite, il a été qualifié comme étant droit. D'accord? Donc, il y a une seule lumière, une seule vérité et une seule voie qui mène vers Allah. Alors que les chemins de l'égarement, ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Ensuite, Allah, je l'ai dit dans le verset 2, la voie de Dieu qui appartient à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans les terres et dans la terre. Et après Allah, il a dit quoi? Et malheur aux mécréants pour le supplice impitoyable et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils vont subir. Non. Après, regardez, Allah Jou, il les a décrits, ces mécréants, et il les a décrits par trois choses principales. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie future. Et en arabe, c'est alladhina yastahibbuna al-hayata ad-dunya. Yani yastahibbu, c'est ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas. C'est-à-dire, ils préfèrent la vie d'ici-bas par rapport au delà. Walhamdulillah, on doit remercier beaucoup Allah Jul qui est, pourquoi? Parce qu'ici, il a dit ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Et il n'a pas dit ceux qui aiment la vie d'ici-bas. Sinon, on serait perdu. Puisqu'on a tous une partie d'amour de cette vie. Non, ici, il a dit ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà. Vu qu'ils ont préféré la vie qui va se terminer et qui n'a aucune valeur à l'éternel, au paradis éternel. D'accord? Donc Allah les a qualifiés de trois choses, ces mécréants. Ils préfèrent la vie d'ici-bas. Et ils font quoi en plus? Ils bouchent le chemin qui mène vers Allah. D'accord? Et la troisième chose, ils veulent rendre ce chemin tortueux. Toujours mettre des ambiguïtés. Toujours dire que l'islam c'est faux, les musulmans c'est des comme ci, c'est des comme ça. D'accord? C'est les trois principales caractéristiques que ces mécréants, ils ont. Donc, ensuite, dans le verset, puisqu'on est en train de, avant de rentrer dans le verset, dans le verset et d'expliquer le verset, on a dit, on parle de, pour avoir une vue générale de cette sourate. D'accord? Dans le verset 8, Allah Jésus les rappelle quoi? Allah, il dit, dans le sens en français, et Moïse a dit à leur peuple, et Moïse a dit à son peuple, si vous êtes tous mécréants, sachez que Allah se suffit à lui-même. Et il est digne de louange. Ibn Taymiyyah, il dit quoi? Il dit dans Majmou al-Fatawa, il dit que toute personne, toutes les créatures même, elles ont un point commun. C'est quoi? C'est qu'il y a des choses dont elles ont besoin et qu'elles aiment, comme par exemple la nourriture, le fait de se marier, d'accord? Et il y a des choses dont elles ont peur, comme la mort, comme le fait qu'une personne lui fasse du mal ou comme le fait de mourir de faim, par exemple, d'accord? Ensuite, il dit, et pour cela, ils ont deux types de moyens. Des moyens qui leur permettent d'avoir ce dont ils ont besoin et des moyens qui leur permettent de se protéger dont ce, des choses dont ils ont peur. D'accord? Et il dit ça, c'est un point commun à toutes les créatures. Et en vérité, tout ça crée après quoi? L'adoration. Ces quatre choses-là font que la personne, la créature, qu'elle le souhaite ou pas, elle va adorer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de ces quatre choses-là. Si elle n'adore pas Allah, elle va être obligée d'adorer autre qu'Allah pour chercher ces quatre choses-là. Donc on a dit que la personne, elle veut des choses, elle a peur de certaines choses, et elle prend des moyens pour avoir les choses qu'elle souhaite, et elle prend des moyens pour se protéger du mal dont elle a peur. Ces quatre choses-là, si elle ne les prend pas chez Allah, elle va obligatoirement adorer autre qu'Allah. Alors je lui dis dans le sens du verset, oh les enfants d'Adam, ne vous ai-je pas conseiller de ne pas adorer, ne vous ai-je pas conseillé de ne pas adorer Shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. D'accord? Et Allah Azzawajal, il refuse que ces quatre choses-là, les demande à autre qu'Allah. Parce que quand on les demande à autre qu'Allah, ça veut dire que cet autre qu'Allah, on le place comme divinité, comme s'il pouvait nous apporter ces quatre choses-là. D'accord? Parce que ici, quand tu les demandes à autre qu'Allah, tu rabaisses Allah de même que tu te rabaisses toi-même. Puisque toi, tu as rabaissé Allah dans le sens où tu ne lui as pas demandé, alors que c'est lui la divinité, et c'est lui le Seigneur, et c'est lui qui pourvoit toutes choses. Et tu t'es rabaissé toi encore plus, dans le sens où tu vas te rabaisser devant une autre créature qui est comme toi, et tu vas lui demander ces choses-là. D'accord, mais quelle est la chose dont on a le besoin le plus? Ici, je vous ai donné des choses qu'on souhaite, c'est par exemple manger ou se marier. Et je vous ai dit des choses dont on a peur, par exemple, le fait de mourir ou le fait d'être malade. D'accord? Mais en vérité, quelle est la chose que le musulman souhaite le plus et quelle est la chose dont le musulman a le plus peur? Le musulman, la chose qu'il souhaite le plus, c'est avoir l'hymen. Et la chose dont il a le plus peur, c'est de ne pas avoir l'hymen. Et la chose qu'il souhaite le plus, Le paradis, non, mais le paradis, c'est que le résultat de l'avoir l'hymen. En vérité, la chose qui souhaite le plus ici-bas, c'est avoir l'hymen, qui est le moyen pour que dans l'au-delà, il aille dans le paradis. Et la chose dont il a le plus peur ici-bas, c'est la mécréance, car la mécréance est le moyen pour aller en enfer, et la cause qui fait que tu vas en enfer. D'accord, donc ces choses-là sont demandées à qui? À Allah. Regardez Allah, je lui dis quoi dans le Coran? Ya ayyuhannasu antumul fuqara ila Allah. Oh vous les gens, vous êtes les pauvres devant Allah. Regardez si on médite sur le verset. Allah, il a dit quoi? Oh vous les gens, vous êtes les pauvres devant votre Seigneur. Il a dit Ya ayyuhannas antumul fuqara ila rabbikum. Ou il a dit antumul fuqara ila Allah. Il a dit antumul fuqara ila Allah. Il a dit vous êtes les pauvres devant votre divinité, devant Allah. Pourquoi il n'a pas dit devant votre Seigneur? Comme il dit un shir, la raison et le secret de ça, et la beauté de ce verset, c'est que nous, ce dont nous avons besoin le plus, c'est quoi? C'est qu'Allah nous aide à l'adorer, comme ça on réalise le but de cette vie, et comme ça on est au paradis, on n'est pas en enfer. Donc la chose dont le serviteur, il a besoin le plus, en fait, c'est quoi? C'est d'adorer Allah. Et la chose dont il a le peur le plus, c'est de ne pas adorer Allah. Et ces choses-là, il doit les demander à Allah, car c'est que Allah Azzawajal qui a ces choses-là. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, toujours dans Majmu'a Fatawa, quand il parle de ces quatre choses-là, il dit quoi? Il dit, et certes, le besoin des créatures, de leur Seigneur, c'est-à-dire que les créatures ont eu besoin d'Allah en tant que Seigneur, c'est lui qui crée, ils ont eu besoin d'Allah et ils n'ont pas pu exister, si ce n'était la puissance d'Allah. Il dit, mais en vérité, les créatures, ils ont beaucoup plus besoin que Allah leur donne les causes pour être guidés que les causes pour eux continuer à exister. Car si Allah, il te prive de nourriture, par exemple, et que tu ne manges plus, mais que tu es croyant, dès que tu meurs, t'es où? Au paradis. Alors que si Allah, il te donne toute la nourriture, il te donne tout ce bas monde, et qu'il t'a privé des causes de l'hymen, et que tu es mécréant, ça va te servir à quoi de manger et d'avoir toute cette terre pendant des années, des centaines d'années, des milliers d'années? Puisqu'un jour, tu vas finir par mourir, et si tu meurs dans la mécréance, t'es en enfer. D'accord? Pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre ça et le verset? Le rapport entre ça et le verset, c'est que si on a besoin de comprendre et on a besoin de réaliser l'hymen, ceci ne peut pas se réaliser en faisant deux choses. La première chose, c'est d'abord de comprendre l'hymen et comment il fonctionne. Et c'est ce qu'on est en train de faire, Inch'Allah, bi'idhnillah. D'accord? Il y a une chose, une parenthèse que j'ouvre ici. Ici, il faut comprendre une chose. C'est que les causes en elles-mêmes n'agissent pas. Et celui qui croit ça, il fait du shirk. Celui qui croit qu'il va aller chez le plus grand shirk sur terre, et parce qu'il est parti, c'est ce grand shirk qui va apprendre la haine. Non, même le plus grand shirk sur terre, c'est qu'une cause. Et si ton cœur, il est apaisé, ou si ton cœur, il est rassuré, ou si ton cœur, il pense que, à cause de ce shirk en lui-même, tu vas apprendre, eh bien, sache que tu n'apprendras pas. Pourquoi? Parce que ici, tu auras fait du petit shirk et ton cœur aura penché vers autre qu'Allah. Et Allah n'accepte pas ça. Et comme ton cœur aura penché vers autre qu'Allah, Allah il risque de ne pas t'apprendre. Ou ce que tu vas apprendre, il n'y aura pas le baraka dedans. D'accord? Donc, ici, le fait d'apprendre, de lire le Coran, tout ça, c'est des causes. Mais celui qui gère les causes, sans aucun associé, et celui qui met la baraka dans ses causes, c'est Allah Azzawajal. Donc ici, il faut se placer sa confiance en Allah seul pour apprendre. Donc, je revenais à ce que je disais. Ici, je disais que puisque on a besoin de réaliser et de concrétiser l'hymen, et cela ne se fait pas sans cause, mais certes les causes n'agissent pas en elles-mêmes, on a besoin de prendre les causes qui vont nous permettre de réaliser l'hymen. Et ces causes-là, elles sont de deux. D'abord, le fait de comprendre l'hymen, et ensuite, d'appliquer l'hymen. Ou alors, pour être plus précis, à chaque fois que tu comprends quelque chose, tu le mets en pratique. Et si à chaque fois que tu comprends quelque chose, tu le mets en pratique, Inch'Allah, Allah il va te mettre la baraka dans ce que tu as appris. Donc ici, dans le verset 18 de la même sourate, Allah il nous a parlé des œuvres des mécréants. D'accord? Et il a dit que ces œuvres-là ressemblaient à quoi? À de la cendre sur laquelle le vent s'acharne. Et en plus, le jour, ce jour-là, c'est un jour où il y a de l'orage. Donc ces mécréants ne peuvent tirer aucun profit de leur œuvre dans l'au-delà. Et cela parce que leur œuvre, il n'est pas basée sur le tawhid, il n'est pas basée sur l'unicité. D'accord? Ensuite, Allah Jajal, il a dit dans le verset 21, 22, 23, 24. Donc, avant de rentrer dans l'exemple, dans le verset 21, Allah Jajal, il parle des gens. Il dit quoi? Et tout, il parle d'une scène du jour du jugement dernier. Et il dit quoi? Tous les hommes vont comparaître devant Dieu. Et les faibles diront à ceux, aux suiveurs, aux leaders, ils vont leur dire quoi ce jour-là? Nous vous prenions, nous vous avons suivi. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous préserver, ne serait-ce qu'un peu du châtiment de Dieu? Et ces leaders, ils vont leur répondre quoi? Ils vont leur répondre, si Allah nous avait mis dans la bonne voie, et si on avait été guidés, nous vous aurions guidés. Mais ils vont dire quoi? Mais il n'y a pas d'échappatoire. D'accord? Ici, les suiveurs, c'est le peuple, de manière générale. D'accord? Les têtes, c'est comme Pharaon, ou Bush, il meurt dans cet état, ou d'autres tyrans de cette époque. D'accord? Donc les leaders, ils vont dire, si Allah nous avait guidés, on vous aurait certes guidés, mais il n'y a pas d'échappatoire. Ce jour-là, c'est fini. Après l'Arjul, il nous parle de quoi? Ce que les savants appellent Khotbatu Iblis, c'est-à-dire le discours d'Iblis dans le feu. Et Iblis, il va dire quoi ce jour-là? Il va dire, lorsque tout sera fini, c'est-à-dire les gens du paradis sont entrés au paradis, et les gens de l'enfer, ils sont en enfer. Iblis, il va dire quoi? Il va dire aux gens, certes, Allah, vous avez fait une promesse de vérité, c'est-à-dire le paradis est vrai, l'enfer est vrai. Et de même que Iblis est un ennemi pour nous. D'accord? Allah, il nous a informé toutes ces choses-là. Et il nous a dit de prendre Iblis comme quoi? Comme ennemi. D'accord? Et il va dire quoi aux gens ce jour-là, Iblis? Et il va dire à ses suiveurs, ne me faites pas de reproches, mais faites-en vous-même. C'est-à-dire, ne me reprochez pas. Lui, il dit quoi, Iblis, ce jour-là? Je n'avais aucune autorité, aucune hujja, comme ils ont dit les savants, c'est aucun argument valable, aucune preuve qui faisait que vous pouviez me suivre. D'autres ont dit aucune force. C'est-à-dire qu'Iblis, il t'a pas forcé à lui obéir et il ne t'a pas forcé à désobéir à Allah. Quant aux arguments, Iblis, il n'a aucun argument. C'est pour ça qu'il fait du waswas. Son seul argument, c'est de répéter, répéter, répéter, répéter et de faire en sorte que tu oublies que c'est ton ennemi et te fait du waswas. Mais il n'a aucun pouvoir sinon. Donc il se désavoue d'eux et un châtiment, Allah nous informe qu'un châtiment douloureux attend les injustes. Donc les injustes, c'est Iblis et ceux qui ont suivi Iblis. Donc une fois qu'Allah nous a parlé des gens de l'enfer et de leur tristesse, vous pouvez imaginer le regret. Ces gens-là, ils sont en enfer, ils se moquaient de l'islam et ils se rendent compte ce jour-là, et ils ne peuvent pas revenir en arrière, ils se rendent compte que l'islam était véridique. Ils se sont moqués de ton hijab, ils se sont moqués de ta barbe, et quand ils rentraient chez eux, ils disaient, ceux-là sont égarés, ils se sont moqués de toi. Et ce jour-là, ils se rendent compte que tout était vrai, et ils se rendent compte que ceux qu'ils ont suivis, c'était des menteurs, mais surtout, ils se rendent compte que quoi? Ils peuvent pas revenir en arrière. Une fois qu'Allah nous a parlé de ces gens-là, Allah nous parle quoi? Des gens du paradis. Et il nous dit quoi? Ces gens-là, c'est quoi leur situation? Ceux qui ont pratiqué des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, Allah l'a dit, hein. Ça veut dire qu'il faut agir. Donc ceux qui ont pratiqué des bonnes œuvres, ils seront où eux? Ils seront pas avec Iblis, ils seront dans quoi? Dans des jardins. Et ils seront comment? Éternellement dans cette situation. Et ici, comment ils vont être accueillis? Donc on fera rentrer ceux qui croient et qui ont fait des bonnes œuvres dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement par la permission de leur Seigneur. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ils vont entendre salam, ils vont entendre la paix. Aucun mot. Il n'y aura pas de futilité, il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas de grossièreté, que des bons mots, que des choses qu'Allah il l'agrée. D'accord? Ça, c'est la situation. Regardez, maintenant on va rentrer dans le verset. Ici, dans le premier verset de la sourate, Allah il a dit quoi? En fait, dans le quatrième verset, excusez-moi, Allah il a dit quoi? Nous n'avons pas envoyé aucun prophète sans qu'il ne soit venu avec la langue de son peuple pour les éclairer. D'accord? Ici, la sagesse, c'est qu'Allah Azzawajal, il a envoyé les prophètes avec la langue de leur peuple. La sagesse de cela, c'est pour que pas que les gens, le jour du jugement dernier, puissent puisse dire, pardon, qu'ils ne comprenaient pas le message d'Allah. Vu que ces messagers sont venus avec la langue du peuple et qu'ils sont venus en tant qu'avertisseurs et en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles, il ne reste qu'une chose aux gens. Soit ils étudient le message du messager, des messagers, et ils cherchent. Et alors, s'ils étudient, s'ils sont sincères, ils vont se rendre compte que le message, il est vrai. Et alors, ils vont l'appliquer. Soit ils s'en détournent, quelle que soit la raison. Et s'ils s'en détournent, ils ne seront pas excusés. Parce que le jour du jugement dernier, ils ne pourront pas dire devant Allah Azzawajal, on n'a pas compris le message. Non. Ils se sont détournés, mais ça, c'est de leur faute. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et le hadith, il est rapporté par Muslim, il dit, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui n'entende parler de moi sans me suivre, sans que sa place soit en enfer. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, il a dit juste, il n'y a pas un juif ou un chrétien qui n'entende parler de moi. Juste, il a entendu parler qu'ici, il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, après, il a dit, sans qu'il me suive, sans que sa place est en enfer. Pourquoi? Parce qu'une personne, si elle entend parler d'un prophète, alors elle doit chercher et savoir si cette personne qui se prétend prophète, elle est véridique. Si elle cherche, et si le prophète en question, il est véridique, elle va le voir, et les preuves de la prophétie, elles sont très nombreuses. D'accord? Mais si elle ne cherche pas, alors elle ne sera pas excusée. Vous ne voyez pas que si quelqu'un, si quelqu'un lui dit dans la vie d'ici-bas, si on lui dit par exemple, tu sais quoi, il y a des pavillons tout neufs à 50 000 euros. Et en plus, tu peux payer 200 euros par mois. Regardez, même nous les musulmans, si on entend ça, on va dire quoi? Ça va être quoi la suite? Ça va être des questions. On va dire, mais c'est où ça? Il faut faire comment? Tu dis oui, il n'y a pas de riba, il n'y a rien du tout, tu payes 200 euros par mois. Et t'as un pavillon, et ce pavillon, il fait 200 mètres carrés. Quand une personne, elle va entendre parler de ça, n'importe qui sur Terre, même une grand-mère qui a du mal à parler, elle va demander des explications, elle va chercher. Pourquoi en vérité? Parce que ici, tu lui as parlé d'une chose qui est importante à ses yeux. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit quoi? Que les mécréants, Allah, il les a cités avec trois caractéristiques, et parmi les caractéristiques, c'est qu'ils préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà. Donc, s'ils préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, ils vont se détourner du livre, ils vont pas chercher. Ils vont dire, ah, ça sert à rien, d'accord? Mais nous, on ne doit pas ressembler aux mécréants. On ne doit pas ressembler aux mécréants dans le fait de se détourner du Coran, d'accord? Donc, une fois qu'Allah Azzawajal, il nous a parlé des leaders et de leur situation, et des suiveurs et de leur situation, et d'Iblis et de son discours, et des gens qui ont suivi Iblis, après, il nous a parlé des gens du paradis, d'accord? Et après, il nous a, quand on va rentrer maintenant dans l'exemple, qui explique l'hymen, Allah Azzawajal, il t'a expliqué ici l'hymen d'une manière claire, avec un langage clair, qui fait que toute personne qui comprend une langue va comprendre cet exemple. Il n'y a qu'une chose qui peut faire que tu ne vas pas comprendre, si toi, tu te détournes de la méditation et tu ne cherches pas à comprendre. Et ici, si tu le fais, c'est de ta faute. Donc c'est comme si, regardez Allah Azzawajal, c'est comme si ici nous disait, regardez la situation des leaders, regardez la situation des suiveurs. Regardez Iblis et regardez les suiveurs d'Iblis et regardez dans quelle situation ils sont. Ils sont en enfer, ils ne peuvent pas sortir, ils ont un regret éternel, ils ne peuvent pas revenir et ils vont être châtiés. Et après, ils nous parlent des croyants. Ces gens-là, ils sont au paradis, dans un paradis éternel. Ces gens-là, ils entendent que salam. Ces gens-là, ils sont dans la paix. Ces gens-là, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. C'est comme si une personne d'entre nous se dirait, mais attends, j'ai envie de pas me retrouver ni avec ni d'être parmi les suiveurs qui ont suivi les leaders égarés, ni d'être parmi ceux qui ont suivi Shaitan, d'accord? Et ni d'être avec Shaitan, ni avec les premiers, j'ai pas envie d'être en enfer. Mais j'ai envie d'être avec ceux qui sont au paradis, ceux qui entendent le salam. C'est comme si une personne se disait, comment faire pour ça? Eh bien, Allah Azul, il va te répondre dans le verset 24, d'accord? Allah, il va te répondre, il ne tient qu'à toi que de comprendre et de méditer. Donc Allah, il commence par, Alam Tara, ne vois-tu pas? Alam Tara. Ici, Alam Tara, ça se dit, Allah Azul, il dit ça pour attirer notre attention. Comme certains ont dit au niveau du tafsir, Alam Tara, yani Alam Ta'lam, n'as-tu pas su? D'accord? Alam Tara, Allah il l'utilise pour attirer notre attention et pour attirer notre étonnement. Quand est-ce que l'attention ou l'étonnement va venir? L'attention ou l'étonnement ne viendra que quand tu auras compris ce qu'Allah il a voulu te faire passer comme message. D'accord? Comme quand Allah dit par exemple, Alam Tara, كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Allah il dit, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? L'année, donc l'histoire, tout le monde la connaît, mais ici, quand on médite sur l'histoire, elle doit créer en nous cet étonnement dont on parle. C'est-à-dire qu'il y avait un roi injuste, il a voulu aller détruire la Kaaba et il est parti avec des éléphants. Et l'éléphant, quand ils sont arrivés devant la Mecque, il pouvait aller dans toutes les directions, sauf aller tout droit, continuer vers la Mecque. Ensuite, Allah lui a envoyé quoi? Juste des petits oiseaux, et chaque oiseau, ils avaient trois cailloux. Et avec ces trois cailloux, donc Allah lui a fait de ses causes, il a détruit toute une armée. Donc ici, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, c'est quoi qui crée notre étonnement? Ici, ce qui doit créer notre étonnement, c'est le fait qu'Allah Azzajal, il a la puissance tout entière, il a le pouvoir tout entier, il a la gestion du royaume tout entier, sans aucun associé. Vous allez me dire, oui, je le sais ça. Moi, on le sait tous, mais ce qu'il faut, c'est que cette science, elle soit dans nos cœurs, ferme dans nos cœurs, comme dans l'exemple ici qu'Allah va nous citer. Nous, on le sait, d'accord. Si on le sait, on sait qu'Allah Azzajal gère le royaume sans associé, comme il l'a fait ici quand il a défendu la Mecque. D'accord? Alors dans ce cas-là, si on le sait, pourquoi on retarde les prières des fois au travail? Parce qu'on a peur du patron. Si on sait qu'Allah gère l'univers et que c'est pas le patron, c'est juste une cause. Pourquoi tu mets pas ton hijab? Pourquoi tu laisses pas pousser ta barbe? Pourquoi tu fais pas toutes les obligations? Si on le sait, cette connaissance, elle doit pas être dans notre cerveau, sinon c'est une preuve contre nous. Cette connaissance, elle doit être ancrée dans le cœur. Mais alhamdoulilah, Allah, dans ce même verset, il va nous expliquer comment en vérité cette connaissance elle est ancrée dans le cœur. D'accord? Parce que comme on disait, la sourate Ibrahim, alors que dans la sourate Baqara, Allah, il a expliqué de manière générale comment Allah faisait sortir les créatures des ténèbres vers la lumière, dans la sourate Ibrahim, Allah, il a expliqué de manière détaillée comment il faisait sortir les créatures des ténèbres vers la lumière, et cela avec deux choses. Avec la science et avec le fait d'agir avec cette science, et avec la science en premier en expliquant l'iman comme il l'a expliqué le verset. D'accord? Donc ça c'est pour Alam Tara, ça c'est pour n'as-tu pas vu? N'as-tu pas vu quoi? Comment Allah a donné un exemple? C'est pas une parabole, c'est un exemple. Il n'y a pas de parabole dans le Coran. Donc c'est un exemple. Ici on s'arrête sur le comment. N'as-tu pas vu comment Allah a donné un exemple? Et bien le comment ici, c'est qu'Allah il t'a donné un exemple, puisqu'il veut nous expliquer l'iman, il t'a donné un exemple qui est simple, un exemple qui est beau, un exemple que toute personne, même un enfant de 10 ans, il peut comprendre. Après, il a donné un exemple. C'est quoi le rôle des exemples? En vérité, les exemples, ils ont une importance énorme, non seulement dans la langue, hein, dans la langue de manière générale, dans le Coran et dans la Sunna aussi, ils ont une importance très grande. D'ailleurs, dans cette même sourate, Allah nous parle d'exemple aussi. Dans le verset 45, Allah dit quoi? Quand il parle des gens injustes, il dit, donc Allah dans le verset 45, il dit quoi? Il dit, et vous avez habité sur les lieux sur lesquels avaient habité des gens qui étaient injustes. Et vous avez vu comment on les a traités. Et ensuite, Allah il dit quoi? Et nous vous avons certes multiplié les exemples. Nous avons multiplié les exemples. D'accord? Donc les exemples, c'est un argument d'Allah contre les créatures. C'est un argument qu'Allah est là contre les créatures. Puisque avec les exemples, les choses deviennent claires, les ambiguïtés s'effacent et la chose est claire. On va donner un exemple dans la Sunna. Un exemple d'exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi? L'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui n'invoque pas est comme l'exemple du mort et du vivant. Et comme l'exemple du vivant et du mort. D'accord? Regardez, quand tu veux citer un exemple, ou quand tu vois un exemple dans le Coran ou dans la Sunna, il y a deux choses. L'exemple, c'est une analogie. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une chose A et une chose B. D'accord? La chose A, c'est la chose que tu veux expliquer. La chose B, c'est la chose qui est connue chez les gens. D'accord? Donc la chose A, c'est la chose que tu veux expliquer. Et la chose B, c'est la chose qui est connue chez les gens. Si les gens connaissent B, alors, et que A et B ont des points communs, alors tu vas expliquer A par B. Comme ici, le prophète Soissam, ici, la chose qu'il veut nous expliquer, c'est quoi? C'est la différence entre celui qui invoque Allah et celui qui n'invoque pas Allah. D'accord? Donc ça, c'est la chose qu'il veut nous expliquer. Il va nous expliquer de cette chose-là en nous parlant d'une chose qui a les mêmes caractéristiques. Et il nous a dit quoi? Celui qui invoque Allah, c'est comme le vivant. Et celui qui n'invoque pas Allah, c'est comme le mort. Donc toute personne sait c'est quoi un vivant. Et toute personne sait c'est quoi un mort. Alors donc tu as compris c'est quoi l'exemple de celui qui invoque son Seigneur. Et l'exemple de celui qui ne l'invoque pas. D'accord? Celui qui invoque son Seigneur, il est vivant. Et celui qui n'invoque pas son Seigneur, il est mort. Il faut savoir qu'il y a différents types d'exemples. D'accord? Il y a des exemples, comme je viens de dire, qui sont des analogies. Où les propriétés de A et B sont pareilles, et ça, c'est les bons exemples, d'accord? Et ces exemples-là, ils servent aux personnes pour clarifier les choses, ou Allah s'en sert pour nous clarifier les choses, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en sert pour nous clarifier aussi à nous les choses. Mais il y a les mauvais exemples qui viennent de Shaitan, ou des égareurs, ou des mécréants qui mettent des ambiguïtés aux musulmans, d'accord? Ces mauvais exemples, quand tu médites dessus, il n'y a pas de point commun, ou en vérité, il y a des points commun entre A et B, mais il y a des différences, d'accord? Et comme les gens n'arrivent pas à voir les différences, les gens se perdent. On va donner un exemple. Shaitan, le premier qui s'est égaré avec en faisant de mauvais exemples, c'est Shaitan. Alors il lui a dit quoi? Et quand nous avons créé Adam, nous avons dit aux anges quoi? De se prosterner devant Adam. Et avec les anges, il y avait quoi? Il y avait Iblis. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Iblis? Regardez, il a donné un exemple à Allah. Il lui a dit, quand Allah il le dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Lui, il a répondu quoi, Iblis? Je suis créé d'une meilleure manière que lui, car tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre. Ici, en vérité, Iblis, il est sorti du sujet. Parce qu'Allah lui a demandé de se prosterner devant Adam. Donc ici, c'est un ordre. D'accord? Et ici, comme on avait dit, et on voit ici, on commence à voir l'importance, pourquoi on est rentré dans la définition de l'iman dans la langue arabe, et pourquoi on est rentré dans la définition de l'iman dans le sens shar'i, et pourquoi on avait dit quoi? Que quand l'iman il vient, quand l'ordre il vient d'Allah, alors tu obéis. Comme Allah je lui dis dans le Coran, il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes, une fois qu'Allah et son prophète ont décidé quelque chose, d'avoir le choix. Si tu crois vraiment à Allah, c'est que tu crois qu'Allah il est parfait et qu'il a aucune imperfection. D'accord? Et donc cette croyance-là, elle va impliquer le fait que tout ce qu'Allah te dit et tout ce que le professeur Soumi dit, tant que le hadith est authentique, tu vas obéir même si ta raison ne comprend pas. D'accord? Donc Iblis, au lieu de faire ça, lui, il est venu avec un mauvais exemple et il a dit, mais moi je suis créé de feu, je suis mieux que Adam. Et lui, il est créé de terre. Pourtant, Allah, il ne lui a pas dit qui est créé, quelle est la meilleure création de vous deux. Si on dit, est-ce qu'il n'est même pas vrai que le feu est mieux que la terre, mais si on suppose, pour aller dans le sens d'Iblis, entre parenthèses, que le feu est mieux que la terre. Alors si Allah il avait demandé à Iblis, c'est quoi qui est mieux, le feu ou la terre? Et si Iblis il avait répondu le feu, alors si on suppose que le feu est mieux que la terre, là il aurait eu raison, Iblis. Mais Allah il lui a pas demandé ça. Allah il lui a juste dit, il lui a ordonné de se prosterner devant Adam. Et ici, quand il se prosterne devant Adam, parce qu'il y a des gens qui mettent des ambiguïtés, ils disent, regarde, tu adores Adam. Ils ont adoré Adam. Mais non. Parce qu'ici, ils ont adoré Allah, ils ont répondu à l'ordre d'Allah. Alors que Iblis, lui, il n'a pas répondu, il a désobéi. Puisqu'on a dit, et regardez comme les règles nous servent quand on avance, puisque tout ce qu'on fait, et la compréhension de cet exemple, ça va être une base pour aborder tous les autres sujets qu'on va aborder. Si on ne comprend pas, on va être perdu dans le reste. Et si on comprend bien, bi'idhnillah azzawajal, on va avoir des bonnes bases, et on va comprendre après quand on va rentrer, par exemple, dans les actes du cœur, quand on va rentrer dans le Tawbah, quand on va rentrer dans plein de sujets, on va comprendre tout le reste parce que ici on aura une bonne base. D'accord? Donc ici, on disait quoi? Que on avait dit que l'iman, C'est ce qui est toute obéissance et de l'hymen. Donc ici, est-ce que Iblis, il était ordonné de se prosterner? Oui, il était ordonné de se prosterner. Donc le fait qu'il se prosterne devant Adam, c'est une obéissance? Oui, c'est une obéissance, puisque comme on a dit, l'obéissance, c'est ce qui est conforme à l'ordre. Alors donc lui, il a fait quoi? Il a désobéi. D'accord? Et regardez ici, Iblis, maintenant lui, maintenant qu'il a fait ça, c'est parmi ses plus grandes ruses de faire en sorte que quand les gens ils n'obéissent pas à Allah, ils trouvent des exemples. Tu vois? Les gens, ils donnent des exemples. Et ça, vous allez l'entendre autour de vous. Quelqu'un, tu lui dis par exemple, mets le hijab, ma soeur. Il te dit oui, mais est-ce que les gens sont vicieux pour me regarder? Est-ce que ici on nous a dit mets le hijab parce que les gens vont pas te regarder? Ça, c'est la sagesse de l'ordre. Mais Allah Azzawajal, il a ordonné. Même si on comprend pas la sagesse, on le fait. D'accord? Donc vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Iblis. Et en vérité, c'est Iblis qui leur fait du waswas et eux, ils suivent. Et pourquoi ils suivent? Parce qu'en vérité, ils se sont éloignés du Coran, ils ont oublié que c'était leur ennemi, parce qu'Allah il a dévoilé toutes les ruses d'Iblis dans le Coran, par miséricorde pour nous, pour qu'on se méfie de lui. Il nous a rappelé que c'était un ennemi. Mais parmi les premières ruses de Iblis, c'est quoi? C'est qu'il te fait oublier que tu es son ennemi. Quand tu oublies que tu es son ennemi, il peut venir. Et il vient sous le rôle d'un conseiller, et après il t'égare et tu l'écoutes. D'accord? Donc on a dit les mauvais exemples, c'est les exemples tels que fait Iblis ou tels que font les associateurs. Les associateurs, ils font quoi? Ils font des mauvais exemples. Regardez, quand ils disent par exemple, on va devant une tombe et on demande à l'habitant de la tombe ce que seul Allah peut donner. Ils vont devant l'habitant d'une tombe qui est mort et ils disent oh, un tel, donne-moi un enfant. Donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, celui, cela. Il demande des choses que seul Allah peut faire. Et ici, c'est quoi l'ambiguïté qu'Iblis leur a mis? Et c'est Iblis qui leur a mis. Hein. Il dit quoi? Il leur a dit, voilà, vous êtes des pécheurs. Et quelqu'un ici-bas a besoin de quelque chose, il ne va pas voir le roi directement. Si toi, tu connais un proche du roi, ou un proche du ministre, ou un proche du président, eh bien, passe par ce proche, et ce proche-là, il va parler au roi ou au président, au ministre, et il va dire qu'il connaît, il va dire du bien sur toi, et après ce sera plus facile pour que le ministre, le roi ou ce président réponde à tes demandes. D'accord? Ils ont dit, bah, ici, regardez, c'est ça l'exemple, et c'est Iblis qui leur a insufflé ça, insufflé cela. Il leur a dit, bah, Allah, c'est pareil. Allah, c'est pareil. Sauf que ici, justement, en comparant Allah aux créatures, il diminue de la grandeur d'Allah. Et tout l'iman et tout l'islam, il est basé sur deux grands principes. C'est quoi? C'est d'attribuer toutes les perfections parfaites à Allah et de l'éloigner de toute imperfection. Et ces deux choses-là, elles sont réunies dans le mot Subhanallah. Quand tu dis Subhanallah, c'est que tu attribues toutes les perfections parfaites à Allah et que tu éloignes Allah de toute imperfection. Et quand vous méditez sur le Coran, vous allez voir Subhanallah, il arrive dans des passages où soit il a été attribué à Allah ce qui ne convient pas, et juste après Allah, il dit Subhanallah, pour rappeler que ça convient pas à Allah, et qu'Allah il est trop haut pour ça, et qu'Allah il a des attributs de perfection pour ça, d'accord? Ou soit ça arrive d'abord subhanallah, et après une chose que seul Allah peut faire. Par exemple, Allah il dit quoi? Waqalu ittakhadha ar-Rahman walada. Et ils ont dit, ar-Rahman s'est attribué un enfant. Est-ce que ça convient à Allah? Ça convient pas à Allah. Celui qui a un enfant, il a au moins quatre grands manques. D'abord, l'enfant lui ressemble, et Allah personne ne lui ressemble. Ensuite, il a besoin d'amour. Allah, il a besoin de personne. Ensuite, il est faible et il a besoin d'être aidé, peut-être quand il va être vieux. Et Allah, il a besoin de personne. Et il a besoin de quelqu'un qu'il va hériter. Et Allah, il a besoin de personne. D'accord? Donc Allah, quand il a dit quoi après Allah? Waqalu ittakhadha ar-Rahman walada. Et ils ont dit, Rahman s'est attribué un enfant. Allah, il dit, Subhana. Subhana. Ça veut dire, ici, comme on a dit, Subhana. On attribue toutes les perfections à Allah, toutes les perfections parfaites, et on l'éloigne de toute imperfection. Donc il ne convient pas à Allah de se prendre un enfant. D'accord? Ou comme Allah Azza wa Jalla a dit, Subhanalladhi, donc dans Sourate, excusez-moi, le verset m'échappe, c'est le début de Sourate Al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Il a le Masjid Al-Aqsa. Donc, Subhana à celui qui a fait voyager son serviteur de la mosquée de l'Haram vers la mosquée de l'Aqsa. Donc ici, aucune puissance ne peut faire en sorte qu'un serviteur, en une nuit, il passe de Mecca à Jérusalem, puis il parcourt tous les sept cieux et il prend l'ordre de la prière et il revient en une nuit, sauf la puissance d'Allah. D'accord? Donc on a dit ici, les mouchrikines, ils ont comparé en vérité Allah aux créatures ou les créatures à Allah. D'accord? Parce qu'ils ont dit que le ministre, si tu viens le voir tout de suite ou tu passes par quelqu'un d'autre, c'est mieux pour toi, comme ça tu vas voir le ministre. Donc ici, en fait, c'est comme s'ils avaient prétendu qu'Allah Azzawajal, il va être préoccupé s'il y a plein de personnes qui l'invoquent en même temps. Ou c'est comme si ils avaient prétendu que si Allah il donne à chaque personne, Allah il va être pauvre. Or, Allah Azzawajal, pourquoi Allah Azzawajal, il aime qu'on l'invoque, par exemple? Parce que quand tu l'invoques, tu es en train de prouver que c'est la divinité. Car si toi tu ne savais pas que c'était une divinité, alors tu l'invoquerais pas. Si tu savais pas qu'il n'entendait pas, tu l'invoquerais pas. Toi tu sais qu'il entend, tu sais qu'il te voit, tu sais qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur et tu sais qu'il peut te donner. Et en plus, dans le même temps, tu sais qu'il y a sûrement d'autres gens qui sont en train de l'invoquer. Et malgré tout ça, tu sais que Allah il peut te donner et il peut te donner à tout le monde. Comme Allah l'a dit dans le hadith Qudsi, oh les enfants d'Adam, si tous vous vous réunissiez dans une place et chacun demande tout ce qu'il veut. Regardez, tous les habitants de Adam jusqu'au dernier habitant qui va peupler cette terre, chacun se met dans une place. Et chacun, il fait que d'invoquer d'Allah. Oh Allah, donne-moi une villa, donne-moi deux villas, donne-moi 1 milliard, donne-moi des voitures, donne-moi ça. Et chacun, Allah, il les entend tous en même temps. Sans que les demandes de l'un le gênent par rapport aux demandes de l'autre. Et si Allah, il donne à chaque personne tout ce qu'ils ont demandé, eh bien, ça va diminuer de son royaume à Allah, rien du tout. Comme une aiguille, quand tu la plonges dans la mer, regarde ce que l'aiguille, elle a pris comme eau. Elle n'a rien pris comme eau. Eh bien, si Allah lui donne à toutes ces personnes-là, ça va rien diminuer. Comment Allah il est puissant? Donc, ces gens-là, Shaitan, il les a égarés en faisant des mauvais exemples. D'accord? Parce que, une créature, comme on a dit, que ce soit un roi, un ministre, ou bien un président, si 10 personnes, ou ne serait-ce que 3 personnes viennent en même temps, et chacun commence à parler en même temps, il peut pas entendre les trois. Il va être gêné. Les demandes de l'un, il va pas entendre l'autre. D'accord? Et s'il y en a 50 qui viennent en même temps et qui lui demandent des choses au niveau de son royaume, le roi, il va commencer à calculer, il va se rendre compte s'il donne à tout le monde, après il perd son royaume. D'accord? Alors qu'Allah Azzawajal, au contraire, Allah Azzawajal ne ressemble pas aux créatures et Allah Azzawajal, il entend tous les sons en même temps, sans qu'un son le gêne par rapport à un autre son, et il peut donner à tout le monde sans que ses dons diminuent de son royaume. D'accord? Donc il reste une chose, puisqu'on est en train de parler des exemples, il reste une chose à voir, c'est, vous m'entendez souvent, je donne un exemple et après je dis, Walillah il mathalul a'la. Les savants, ils ont rappelé que ici tu peux donner un exemple et après dire, Walillah il mathalul a'la, mais ils ont donné des conditions dans cela. Les conditions, il faut que ton exemple, il soit juste avec les attributs qu'on a donnés, d'accord? Deuxième chose, il faut que ton exemple, il soit basé sur des bases juste de la religion, d'accord? Comme l'imam Ahmed, quand on lui disait, comment Allah Azzawajal, il est au-dessus de son trône et il sait tout ce qu'il y a chez nous, et il voit, il a la science et il sait ce qui se passe et tout en nous. Il disait quoi? L'imam Ahmed, il donnait un exemple. Il disait, si l'un d'entre vous construit une maison et que dans cette maison, il place des objets, est-ce que cette personne qui a construit cette maison, quand elle sort, elle ignore ce qu'il y a dans cette maison ou pas? Les gens, ils ont dit, ben non, si elle construit une maison et qu'elle sort, même si elle n'est pas dans la maison, elle va savoir tout ce qu'il y a dans la maison. Après, l'imam Ahmed, il a dit quoi? Ben, Allah Azul, il est plus en droit de ça. Walillah il. Il a donné un dalil. Il a dit quoi? Il a dit, Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Ne sait-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est le latif, le doux, le bienveillant? Allah ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir. Et c'est le bienveillant, le doux, et celui qui est bien informé. D'accord? Donc ici, les exemples, si tu n'es pas sûr de les maîtriser, ne fais pas, parce que tu risques de tromper ou de t'égarer et d'égarer autrui. D'accord? Donc ici, n'as-tu pas vu comment Allah a donné en exemple? Il a donné quoi, Allah Azzawajal, en exemple? Une bonne parole. Kalimatan tayyibatan. Comme il est venu dans le tafsir, ici, la bonne parole, c'est la ilaha illallah. D'accord? Donc ici, la ilaha illallah, c'est l'iman. Allah, il veut nous expliquer l'iman. D'accord? Donc, il va nous expliquer l'iman par une chose simple. Il a dit, cette bonne parole ressemble à quoi? À un bel arbre. D'accord? Donc ici, comment il a qualifié cet arbre Allah? Un bel arbre qui a une base, dont sa base est ferme. D'accord? Il n'est pas venu avec beaucoup de qualificatifs, mais ces qualificatifs, ils sont importants. D'accord? Donc, ici, Allah il comprend la ilaha illallah. Donc, la ilaha illallah, c'est la chose qu'Allah veut nous expliquer. D'accord? La chose que nous, on connaît, c'est l'arbre. Et cet arbre, il est comment? Il est beau, il a des racines fermes et il a des ramures qui s'élancent dans le ciel. D'accord? Donc, trois principales caractéristiques de cet arbre. Il est beau, il est ferme et il a des ramures qui s'élancent dans le ciel et il donne des fruits. D'accord? Donc, la bonne parole, comme il a dit Ibn Abbas ou d'autres, tous les tafsirs, ils sont, d'accord, c'est quoi? La bonne parole, c'est la ilaha illallah. D'accord? Donc, cette bonne parole, elle ressemble à un bel arbre. Ici, pour avancer dans l'exemple, pour avancer dans l'exemple, on va faire un dessin, inshallah. C'est quoi? Vous avez dessiné un palmier, d'accord? Donc, vous pouvez partager la feuille en deux. C'est plus simple, inshallah. Vous allez voir, comme ça, on va vivre l'exemple. Donc, vous partagez la feuille en deux, vous faites un tronc et vous faites des feuilles. D'accord? Et après, quand vous arrivez à la base du tronc, vous faites quoi? Vous faites un trait pour montrer que c'est l'intérieur. Et ce trait, vous mettez des racines, vous dessinez des racines. D'accord? Donc ici, comme il est venu dans le tafsir, l'arbre, il s'agit quoi? Il s'agit du palmier. Ibn Omar, il était avec les compagnons, il y avait Abu Bakr et Omar entre autres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous connaissez un arbre? Vous connaissez un arbre qui ne perd pas ses feuilles? Et Ibn Omar, il a pensé dans son intérieur, il a dit, ah, c'est le palmier. Et les compagnons, ils ont répondu, mais personne n'a donné de bonne réponse. D'accord? Ensuite, le prophète Sassoum, il a dit, il s'agit du palmier. Quand Ibn Omar, il est parti, il a dit à son père, Omar radiallahu anhu, il lui a dit quoi? Ibn Omar, il a dit à son père, tu sais, papa, je savais que c'est, quand le prophète Sassoum, il a posé la question, je me suis dit que c'était le palmier. Et Omar, il lui a dit, pourquoi tu n'as pas répondu? Et regardez le comportement d'Ibn Omar. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai vu qu'il y avait Abu Bakr et toi, et vous n'avez pas parlé. Alors, j'ai été gêné de parler. D'accord? Et Omar, il lui a dit quoi? Si certes, tu lui avais dit, si tu lui avais dit ça, j'aurais été content. Ça m'aurait été préférable que telle ou telle ou telle chose. D'accord? Donc ici, il s'agit de l'arbre de quoi? Du palmier. Et le palmier, c'est pas n'importe quel arbre, comme on va voir, Inch'Allah. Donc Allah, il nous parle de la foi, de l'iman. Et pour nous expliquer l'iman, il nous a comparé ça avec un palmier. Donc quelles sont les caractéristiques de ce palmier? On a dit, il a quatre principales caractéristiques. Déjà, c'est un beau palmier. N'est-ce pas que un bel arbre, c'est pas comme un mauvais arbre. Un bel arbre, tu le vois juste physiquement. D'accord? Juste physiquement, tu vois que c'est un bel arbre. Et cet arbre, il a quoi? Il a une base ferme. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il a des ramures qui s'élancent vers le ciel. Et la quatrième chose, il donne des fruits à chaque instant. Il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante, c'est quoi? C'est que on a besoin aussi de méditer sur c'est quoi un arbre pour comprendre bien l'exemple. Donc ici, Allah, il nous parle de l'iman et il nous explique ça par un arbre. Regardez, l'arbre, c'est une chose vivante, n'est-ce pas? Parce que l'iman, il est vivant. Parce que l'iman, il est vivant. D'accord? Et il nous a dit que cet arbre, il est quoi? Il est beau. Donc on a dit que un bel arbre, il est forcément différent d'un arbre qui n'est pas beau. Tu le vois à son aspect, tu le vois à la beauté de ses feuilles, tu le vois à la couleur de son tronc, tu le vois au fait qu'il donne des fruits, d'accord? Et cet arbre, donc c'est un bel arbre et il a une base ferme, d'accord? Il a une base qui est ferme. Ici, la base qui est ferme, ils ont dit, il y a plusieurs choses qui ont été données et qui sont proches. La base qui est ferme, c'est la ilaha illallah dans le cœur du croyant. D'accord? La base qui est ferme, c'est là, il est là dans le cœur du croyant. Et cet arbre, donc, il a dit, il donne des fruits à chaque instant. Donc, on revient. Allah Azul, il nous explique l'iman par un arbre. Ici, si on revient à l'arbre, on va se rendre compte de quoi? L'arbre, au début, il était comment? Il était petit, n'est-ce pas? Au début, c'est juste une graine ou plusieurs graines qui sont dans la terre, n'est-ce pas? Et ces graines, quand est-ce qu'elles commencent à pousser? N'est-ce pas que ces graines commencent à pousser quand on en prend soin? On en prend soin comment? En faisant attention à ce dont on va nourrir cet arbre. D'accord? On en prend soin en faisant attention à ce dont l'arbre va se nourrir et on en prend soin aussi en faisant attention à toutes les choses qui vont attaquer l'arbre. D'accord? Parmi les choses qui vont, donc ici l'arbre, il est dans quoi? Il est dans de la terre. D'accord? Ici la terre, ça correspond au cœur. Les racines de l'arbre, ça correspond aux actes du cœur. D'accord? Les racines, comme l'amour, la confiance, la peur, l'espoir. D'accord? Ça, c'est les racines. Si vous regardez un arbre, et je vous invite à regarder un arbre, et maintenant, Inch'Allah, vous ne regarderez plus les arbres d'une même manière. Votre manière de regarder les arbres va changer. Et en vérité, Al-Rajoub dans le Coran, il nous a parlé de toutes les choses qui nous ont fait de sa beauté, de sa grandeur. Il nous a parlé de la terre et comment il l'a étendue et comment il a fait pour nous de la terre un lit. Il nous a parlé des gens même. Il nous a parlé de toi-même. Il nous a parlé des différentes langues. Il nous a parlé des différentes couleurs des gens. Il t'a parlé comment toi t'étais une goutte et comment t'es devenu un être humain qui voit, qui entend et qui parle et qui a des sentiments. Et le musulman, quand il vit avec le Coran, il vit avec le Coran dans la création et il vit avec le Coran dans la vie de tous les jours. Ici, sa foi l'augmente. Et il se rappelle que chaque chose que son Seigneur il a dit est vraie. Et ici, sa foi, elle vit. Parce que regardez, Allah, il a expliqué la foi ici, elle émane par un arbre. Et l'arbre, c'est une chose vivante. Et nous, notre foi, elle doit être quoi? Vivante. Elle doit être vivante. Tu regardes, tu passes devant un arbre, et bien tu te rappelleras ici, du verset dont on a parlé. Et tu vois que dans cet arbre, il y a une feuille qui tombe, et bien tu te rappelles qu'Allah, il a dit dans le Coran, et il n'y a pas une feuille sans que Allah sache où elle est tombée. D'accord? Et ainsi de suite. Chaque chose qui est dans le dunya, tu mets le rapport avec le Coran et ce qu'Allah il a dit. Mais comment le faire si on ne lit pas le Coran? Et comment le faire si quand on lit le Coran, on ne comprend pas? On ne peut pas le faire. Il y a des pas. D'accord? Donc on a dit ici, au début, la graine, elle est petite. D'accord? Et cette graine, elle est dans une terre. Tayyib, si cette graine, on ne l'arrose pas, ou si on l'arrose avec de la mauvaise eau, ou si on n'en prend pas soin, ou si on laisse les mauvaises bêtes attaquer cette graine, il va se passer quoi? Il va se passer que la graine peut arrêter et l'arbre ne poussera pas, n'est-ce pas? L'arbre peut même mourir. D'accord? Donc quand je vous disais tout à l'heure que Allah, dans cet exemple, il nous explique l'iman d'une manière claire et je vous ai même dit qu'il nous explique toute la religion, et il faut méditer sur l'exemple et tu vas voir que toute la religion, elle est dans cet arbre. Elle est d'une manière simple, comme ça quand tu l'as compris, tu l'oublies pas, Inch'Allah. Donc on a dit que l'arbre, il se nourrit de choses. Parmi les choses dont il se nourrit, c'est quoi? C'est de la terre, de l'eau, d'accord? Et il a les racines. C'est les principales choses que l'arbre, il a, d'accord? Ici, l'eau, ça correspond à la science, d'accord? L'eau qui vient sur la terre, ça correspond à la science. Regardez. Vous remarquez pas que si depuis tout à l'heure, Allah, il m'a inspiré comme il faut et que les bons mots sont sortis de ma bouche, et que vous, en même temps, il vous a inspiré, que vos cœurs étaient ouverts et que vous avez écouté, alors vous devez remarquer que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, ou au moins beaucoup de choses qu'on a dit depuis tout à l'heure, elles ont influencé sur votre cœur, et que votre cœur, et que votre iman dans votre cœur, elle est bien, et que votre iman, elle a monté, et qu'Allah Azzawajal vous a permis de comprendre certaines choses, peut-être que vous ignorez avant. Et si ici, vous allez faire deux prières, deux unités de prière après, et que vous faites bien les ablutions, forcément la prière, vous n'allez pas la faire de même manière. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la science, ça correspond dans l'exemple qu'on est en train de donner, ou plutôt dans l'exemple qu'Allah a donné, ça correspond à l'eau. Vous ne remarquez pas que l'eau, quand elle tombe sur la terre, et que la terre était presque morte, il se passe quoi? La terre de cet arbre. Il se passe que dès que l'eau, elle tombe sur la terre, eh bien, elle arrose la terre, et que tout l'arbre est en train d'en profiter. Les racines profitent, le tronc profite, les feuilles profitent, tout profite. Il en est de même de la science. Quand la science tombe dans ton cœur, ici, tout profite. Ton cœur profite en premier, mais ta langue profite et tes membres extérieurs profitent. Ainsi, tes membres extérieurs, quand tu vas faire la prière, tu vas faire avec plus de concentration. Ta langue, tu vas avoir envie d'évoquer plus Allah. Peut-être que tu vas partager ce cours, Inch'Allah. D'accord? Tes yeux vont vouloir regarder que le halal et pas le haram. Donc, tout profite. D'accord? Mais ici, il y a une chose importante. On a dit que cet exemple, il est complet. Est-ce que tu peux, qu'est-ce qui se passe si par exemple tu vas devant un arbre et tu ne l'arroses plus pendant des semaines et des semaines? Ici, la terre, elle va mourir et les racines aussi, et l'arbre, il peut aller même jusqu'à mourir. Ça veut dire que quand tu t'éloignes de la science longtemps, ton cœur, il commence à mourir. Wallahu alam, c'est peut-être ça le secret. Ou comme on m'a dit, celui qui ne prie pas 3 jumas de suite, Allah, il met un voile sur son cœur. Allah alam, c'est peut-être ça le secret. Si la personne n'entend jamais de rappel, et si en plus elle va pas au Jumu'ah, il a dit, ils ont été voyage, cinéma, tatati, tatata, pendant 3 semaines, elle entend que ça, elle n'entend pas de douloureux. Il va être comment son cœur au bout de 3 semaines? Surtout dans l'époque où on vit, son cœur, il va être gravement atteint. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on peut tirer au niveau de l'exemple. C'est-à-dire que, comme l'arbre, il a besoin d'eau, il a toujours besoin d'eau, si tu lui donnes plus, il peut aller jusqu'à mourir. Donc de même, ton cœur, il a besoin de science et il a toujours besoin de science. Autre chose que tu peux tirer juste par rapport à la science, c'est que cette science, elle doit être tirée de la bonne source. D'accord? Si cette science, elle n'est pas tirée de la bonne source, alors qu'est-ce qui se passe? Si tu lui mets de l'eau de Javel, d'accord? C'est de l'eau, mais c'est de l'eau de Javel à un arbre. Il fait quoi? Il va aller, tu vas, au lieu de le nourrir, tu peux aller jusqu'à le tuer. D'accord? De même que si tu prends ta source, si toi, tu ne prends pas ta science des bonnes sources, eh bien, tu vas quoi? Tu peux, ton cœur, il peut attraper des ambiguïtés et il peut même aller jusqu'à mourir. D'accord? Et les deux sources, elles sont connues et tout le monde les répète et il y en a beaucoup qui les répètent comme des perroquets sans même avoir médité sur ce qu'ils disent et sans même comprendre sur ce qu'ils disent. Professeur Semi dit quoi? Je vous ai laissé deux choses. Si vous les suivez, vous ne serez jamais égaré. Le livre d'Allah et ma sunna. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné comme condition pour ne pas être égaré de suivre ces deux choses, le Coran et la Sunna. D'accord? On a dit que la sourate Ibrahim, elle nous explique l'hymen. Elle t'explique l'hymen, elle te permet de concrétiser l'hymen. Donc, elle t'explique l'hymen, c'est quoi en science, et elle te permet, une fois que tu l'as fait, elle te pousse à agir avec ça. Et une fois que tu as ces deux choses-là, bi-idhnillah, tu feras partie des gens guidés. D'accord? Regardez, donc si on s'arrête, on est en train de dire que ici la source, tu dois la prendre, la science de la bonne source, d'accord? Pour que ton eau, elle soit pure. Comme l'eau pure qui vient sur la terre, tout l'arbre profite, et l'eau est la science pure, donc l'eau c'est la science pure qui vient dans ton cœur il profite, et ton cœur il va être fort, et ton cœur il va être solide. Comment ton cœur il va être fort? Ton cœur il va être fort, c'est que les ambiguïtés qui sont données, soit par les mécréants, soit par les gens qui sont égarés, d'accord? Elles ne vont pas rentrer. Et quand est-ce qu'elles ne vont pas rentrer? Quand tu auras étudié au niveau des bonnes sources. Ici, on est en train de parler de science et de sources. De même que cet exemple, il nous montre qu'il y a des priorités. Cet exemple, il nous montre qu'il y a des priorités. Regardez, on repart de la graine. Est-ce que une personne, elle commence pour faire un arbre, elle met une graine, elle met de l'eau, elle met de la terre, ou alors elle met pas de l'eau, elle ramène un tronc qu'elle a coupé quelque part? Et ce tronc, on essaye de le faire pousser dans une parcelle de terre quelque part. Si elle fait ça, il va manquer quoi? Si elle coupe un arbre et elle veut le planter quelque part dans une terre, même si la terre elle est bonne, il va manquer quoi au niveau de l'arbre? Il va manquer les racines, n'est-ce pas? Donc ici, ça nous montre que cet arbre, il grandit d'une certaine manière. Il a une base et à partir de cette base, il grandit. D'accord? Donc la base, c'est d'abord la graine. Et cette graine-là, elle est dans une bonne terre et elle est arrosée d'une bonne eau. Et dans le même temps, on fait attention à toute chose qui peut venir corrompre cette terre ou une eau d'une mauvaise source, d'accord? Ou de mauvaises graines. Donc c'est pour ça que ici, Allah il a dit quoi? Asluha thabit, sa base est ferme. C'est pour ça que par exemple, Cheikh Mohamed Wahab, il a appelé son livre Les Trois Fondements. Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements. D'accord? Comme ils ont appelé. Les gens, comme ils ont appelé Al-Usuliyin, comme ils ont appelé les gens de la science des fondements, ils ont dit quoi? Al-Usul, les fondements, ce sont les choses sur lesquelles le reste se construit. D'accord? Donc les fondements, ce sont les choses sur lesquelles le reste se construit. Et donc sur quoi se construit l'arbre? Sur quoi se construit notre iman? Sur une aqida saine. Sur une base saine. Et cette base saine, elle doit commencer par les priorités. Et donc les priorités, c'est quoi? C'est une aqida qui est ferme. Et comment elle peut être ferme? C'est elle épuiser des bonnes sources du Coran et de la Sunna avec la compréhension des salafs. C'est pour ça que maintenant qu'on a un peu avancé dans la compréhension de l'iman, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer que la plupart des gens qui parlent sur l'iman, ils viennent, ils se permettent de mettre en garde des gens. Et ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas étudié. Et la plupart d'entre eux, la preuve de ça, c'est quoi? Si tu leur demandes de t'expliquer l'iman, les meilleurs peut-être d'entre eux, ils vont dire l'iman, c'est qawlun wa amal. Peut-être les meilleurs d'entre eux vont donner la définition des salaf. Ils vont dire l'iman, c'est des paroles et des actes, ils montent et ils descendent. Mais si tu leur demandes de t'expliquer la réalité de l'iman, comme on l'a fait au cours des trois précédents cours, alors la plupart des gens vont être incapables de cela. Ici, qu'est-ce qu'on doit leur répondre? On doit leur répondre, t'es un perroquet ou quoi? On va leur dire, si toi, tu mets en garde des gens et tu parles d'Imen, c'est-à-dire que tu es en train de parler du sujet de l'Imen et tu mets en garde. Et en vérité, tu te rends compte que toi, tu ne maîtrises pas le sujet. Ça veut dire que tu es en train de suivre des gens. Juste, tu suis des gens. Regardez même cet exemple. Donc ici, on parle du quoi? On parle du taqlid, le fait qu'il est interdit de suivre dans la croyance une personne de manière aveugle, sans ses deux sources. Regardez ici, on a dit que la science, c'est l'eau. Est-ce que quand il y a un arbre qui est quelque part et un autre arbre qui est un kilomètre plus loin, est-ce que quand tu arroses le premier arbre, le deuxième qui est un kilomètre plus loin, ça lui sert quelque chose, l'eau? Si l'eau elle est tombée que sur le premier, ça lui sert pas. Même des arbres déjà qui sont l'un à côté de l'autre, quand il y en a un qui est arrosé, je parle pas de puits, hein, je parle juste d'une personne qui arrose. Eh bien, tu peux arroser un arbre et il y en a un autre à côté, et celui qui est à côté, ça va pas beaucoup lui servir. À peine lui servir, peut-être que l'arbre qui est à côté va un peu partager. Ici, de même, nous, ce qu'on a besoin, c'est nous-mêmes faire des efforts pour apprendre ces bases-là, comment du Coran et de la Sunna avec la compréhension des salafs. Quand on dit avec la compréhension des salafs, ça veut dire on doit lire les salafs, on doit lire Ibn Taymiyyah, on doit lire Ibn Kathir, on doit revenir vers ces salafs. Et si on revient vers ces salafs et on comprend ce qu'ils ont dit, d'accord? Alors on va pouvoir être comme cet arbre, on sera nourri d'une bonne eau et on sera ferme et les ambiguïtés ne vont pas nous toucher. Donc il est important parce que tous ceux d'aujourd'hui qui disent suivre les salafs, il y en a qui suivent pas les salafs, ils vont à l'encontre des consensus. Donc ici, tu as deux possibilités. Soit tu suis des gens d'aujourd'hui qui disent suivre les salafs, alors tu dois être juste dans tes paroles et dire je suis des gens qui prétendent suivre des salafs. Et en vérité, si tu es honnête, tu sais pas si tu suis vraiment les salafs, puisque tu as mis un intermédiaire entre toi et les salafs. D'accord? Et que tu viens de me dire, oui, mais achi, ces gens-là, ils suivent les salafs, ils disent machin, tout ça, c'est des prétentions. Ça change rien sur la réalité de ta chose, qui est que tu n'es pas en train de suivre les salafs, mais tu suis des gens qui suivent les salafs. D'accord? Donc, tu as deux possibilités. Soit, tu suis des gens qui suivent les salafs, ou tu suis pas les salafs, ou alors, tu suis vraiment les salafs par toi-même. D'accord? Et celui qui craint Allah et qui craint le jour du jugement dernier, il doit s'efforcer d'apprendre l'arabe pour avoir un minimum de niveau pour pouvoir suivre les salafs. Et vous avez vu, quand on a parlé du verset, on est toujours dans le verset. Et quand on a parlé de Shaitan juste avant, Shaitan, il n'est pas en train de faire en sorte que les musulmans s'occupent de tout sauf de l'hymen. L'hymen, pour les musulmans, Shaitan, il leur fait croire que c'est une chose comprise. Attends, tu nous parles de... Si les élèves de Mohamed Abouad, certains parmi eux, ils faisaient que d'enseigner Kitab Tawhid, et continuer, et continuer, et continuer, et si certains parmi eux, un jour, ils ont dit, mais on connaît l'imen, et qu'il a été triste le shir, d'accord? Ils ont dit, on a compris le Tawhid. Le shir, il a été triste, et il a compris que ça, c'était parmi les plus grandes ruses de Shaitan, de faire croire que la personne a compris l'imen. D'accord? Et regardez, toujours dans la sourate Ibrahim, le verset 35, Allah dit quoi? Ibrahim dit quoi? Oh mon Seigneur, il implore son Seigneur, il évoque son Seigneur, il dit oh mon Seigneur, préserve-moi ainsi que ma descendance de quoi? D'adorer les idoles. Ibrahim alayhi salam, il a eu peur d'adorer autre qu'Allah. Et la preuve de ça, c'est qu'il a fait des doigts. D'accord? Comme le disent certains savants, Qui, après Ibrahim alayhissalam, va être à l'abri? Nous, dans le 21e siècle, en France, on ne sera jamais à l'abri. D'accord? Donc, quand ici on disait que la sourate, elle a expliqué l'iman de manière détaillée, elle l'a expliqué aussi, d'accord? Dans le fait que parmi les choses qui permettent de réaliser l'iman, c'est de le comprendre, comme on est en train de comprendre le verset, et c'est aussi de faire des doigts, d'accord? D'employer toutes les causes. Et c'est aussi de connaître les ruses de Shaitan pour pas tomber dedans. Car si tu ne les connais pas, tu peux tomber dedans sans t'en rendre compte. D'accord? Donc on a dit ici pour la science, ça équivaut à la science, c'est l'eau, et que tu dois prendre de la bonne source. De même que si tu viens dans un arbre et que tu lui donnes trop d'eau d'un coup, tu vas le noyer. La science, tu ne peux pas la prendre d'un coup. Il faut aller petit à petit, jour après jour, semaine après semaine. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que l'exemple, Inch'Allah, on va rester encore dessus au moins un ou deux cours. Et justement, pour pas qu'on soit noyé, on va s'arrêter là. Et ce que je vous invite à faire, Inch'Allah, c'est réécouter et prendre des notes. Et on continuera dans l'explication du verset, Inch'Allah, la semaine prochaine. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. On demande à Allah avec ses plus beaux noms et ses plus beaux attributs qu'il nous fasse comprendre l'iman, qu'il nous fasse aimer l'iman, qu'il l'embellisse dans nos cœurs, qu'il fasse que l'iman ce soit la chose la plus chère pour nous, qu'il nous donne une bonne fin et qu'il fasse qu'on mette sa parole, que sa parole ne soit plus chère et la parole du prophète que toute autre parole et qu'on ne mette la parole de personne, quelle que soit cette personne, quel que soit ce savant, qu'on la mette à l'égal du prophète ou à l'égal d'Allah. Et si un savant se trompe, qu'Allah nous montre son erreur et qu'il fasse qu'on ne la suit pas. Qu'Allah nous donne une bonne fin et qu'il pardonne aux musulmans et aux musulmanes. Wallahu a'ala wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Qu'Allah vous protège et qu'Allah protège votre foi, Inch'Allah. Si vous avez des questions, que je peux répondre, Inch'Allah. Sinon, on arrête là, Inch'Allah.